Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1949, du 29 juillet au 5 août, se tint à Biarritz le festival du film maudit organisé par Objectif 49, le plus célèbre des ciné-clubs qui fleurirent partout après-guerre où, autour d'André Bazin et sous l'égide de Cocteau, se dessinaient les horizons nouveaux du cinéma et de sa critique. Un festival du film maudit devenu mythique, dans le programme duquel on pouvait lire ces mots de son président Jean Cocteau. Il n'y a pas de production cinématographique, c'est une farce. Pas plus que de production littéraire, picturale ou musicale. Il n'y a pas d'années de bons films comme il y a des années de bons vins. Le bon film est un accident, un croque-en-jambe au dogme, et ce sont quelques-uns des films qui méprisent les règles, de ces films hérétiques, de ces films maudits, dont la Cinémathèque française est le trésor que nous prétendons défendre. En 2012, dans le troisième volet d'une série que la Fabrique de l'Histoire consacrait à la cinéphilie, Emmanuel Laurentin et Anaïs Quien revenaient en compagnie de l'historien Frédéric Gimelot-Mesplon sur l'événement que fut le Festival du film maudit de Biarritz. Le club Objectif 49, qui a eu l'initiative de ce festival, a pensé qu'il était bon de récompenser, à côté des films dits commerciaux, d'autres films auxquels le cinéma doit beaucoup, je dirais même tout, et que Cocteau, par analogie avec ce qu'on appelle les poètes maudits, a appelé les films maudits. Mais comment définissez-vous les films maudits ? Ce sont ces films qui sont pleins de choses remarquables, bien que peu remarquées, et qui poussent continuellement le cinéma en avant, mais qui ne sont goûtés au début que par un petit nombre. Ces films qui donnent au cinéma sa force et sa nourriture. Voici ce que déclara en 1949 Robert Bresson, retrouvé donc dans les archives de l'INA. Bonjour Frédéric Gimelot-Mesplon. Bonjour. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour. Vous avez préparé toute cette semaine avec nous, cette semaine sur l'histoire de la cinéphilie. Alors évidemment, maudit, c'est un drôle de terme qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. D'ailleurs, un fonctionnaire de l'époque, dites-vous dans votre travail historique, Frédéric Gimelot-Mesplon, n'avait pas très bien compris puisque lui disait le festival est maudit, et or qui dit maudit dit satanique, qui dit satanique dit licencieux, qui dit licencieux dit pornographique. Qui dit pornographique appelle la censure, donc le festival devra être censuré. En fait, maudit, ça voulait dire quoi dans ce terme, dans cette expression de l'époque justement ? Mais justement, c'est tout l'enjeu de travailler sur un objet comme celui-ci, puisqu'on est sur un objet typiquement instable, le film maudit, qui va être suffisamment flou pour susciter autant l'agrégation d'individus totalement divers, puisqu'on a des cinéphiles qui appartiennent à des ciné-clubs très différents, des critiques qui sont politiquement opposées, on a Mauriac, on a Donald Vacroze, Auriol, et Cocteau dessus qui impose une sorte de, là aussi, de figure mythique sur ce groupe-là, et on va le voir tout à l'heure au cours de l'émission, il y a des définitions qui vont émerger du festival de films maudits. Je voudrais juste peut-être faire un parallèle avec l'émission tout à l'heure pour les auditeurs France Culture qui ont écouté Régis Debray. On a parlé pendant près d'une heure avec Régis Debray de sacré, et justement le terme maudit est un terme qui renvoie typiquement à la sacralité, mais aussi à tout un ensemble aux rituels cinéphiliques. Par exemple, on a dans le vocable de la cinéphilie tout un champ lexical qui renvoie à la sacralité. Je pense aux films cultes, par exemple, et puis tout à l'heure, on a cité Jean Cocteau avec les monstres sacrés, à propos des enfants terribles. Donc, c'est pas étonnant si on retrouve Jean Cocteau aussi à la tête de cette organisation. Oui, on parle d'ailleurs de Chapelle à propos des fameuses querelles entre différents ciné-clubs de ces années-là. Alors, tout de même, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, et surtout, peut-être, avant de se replacer dans le contexte de l'époque, essayer d'expliquer pourquoi ce moment est un moment sur lequel l'historien peut travailler, parce qu'il y a suffisamment d'archives d'un côté et de mythes de l'autre pour pouvoir peut-être démonter certains mythes, Frédéric Gimelot-Mesplon. Écoutez Emmanuel, nous sommes dans une émission qui s'appelle La Fabrique de l'Histoire, ouais. Donc on ne peut pas ne pas parler d'historiographie, et en matière d'histoire du cinéma, il est clair que ces dernières années, en tout cas depuis le milieu des années 90, l'appétence des historiens pour travailler sur une histoire officielle finalement de la cinéphilie a amené finalement au constat que l'on avait au lieu d'écrire une histoire officielle de la cinéphilie, contribuer à écrire, excusez l'expression, le jeu de mots, mais une histoire de la cinéphilie officielle. Et c'est un peu ça l'émission d'hier, finalement. On avait Luc Moulet, on avait Jean Douchet qui témoignait. On avait aussi Michel Morlaix qui n'était pas du tout dans les cahiers du cinéma. Tout à fait, qui n'était pas dans les cahiers du cinéma. Mais si vous voulez, l'histoire culturelle s'est intéressée à la cinéphilie un peu sur le tard. Et je voudrais reprendre l'expression de Chartier. Quand Chartier compare l'histoire sociale de la culture avec l'histoire culturelle du social, ce qu'on a fait un peu avec la cinéphilie, c'est faire un peu une histoire sociale de la culture en s'intéressant plutôt aux cinéphiles, c'est-à-dire mais pas tellement aux films qui étaient diffusés. Et donc là, avec cet objet-là, qui est le Festival du film maudit, on s'intéresse à l'objet film. Anaïs Kien. Alors peut-être pour prendre cette histoire par son début, le Festival du film maudit est lancé par un ciné-club parmi les centaines qui existent à cette époque, qui s'intitule Objectif 49 et qui est créé vraiment au lendemain de la guerre et qui fait un constat sur ces années de guerre qui viennent de passer, au cours desquelles on a vu des films, ou alors on a arrêté de voir certains films, puis d'autres qu'on a découvert en Angleterre, aux États-Unis, pour ceux qui s'étaient expatriés pendant l'occupation. Et ce constat est fait au lendemain de la guerre, avec ces films qui ont été vus pendant la guerre, avec ceux qui arrivent massivement, tous les films américains qui arrivent massivement en France, et le regard du spectateur qui change un tout petit peu, en tout cas un constat d'une esthétique cinématographique qu'il faut analyser, qu'il faut mettre en débat et qu'il faut diversifier finalement, Frédéric Gimelot. Alors ça, c'est le constat que font l'ensemble des ciné-clubs de la place parisienne, de cette cinéphilie officielle un peu qu'on connaît un peu mieux depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Donc la redécouverte du film américain, etc. L'objectif Carnaval va se distinguer du reste du terreau cinéphilique dans le sens où, premièrement, il fait l'impasse sur le film muet, puisque la plupart des ciné-clubs de l'époque, il y a deux choses. Il y a d'abord un anti-américanisme latent dans l'ensemble de la profession cinématographique depuis 1946, depuis les accords Blum-Bynes, dont on a déjà parlé dans cette émission avec Le Forestier et puis Jean-Pierre Berthe-Maguitte. Ces accords, il faut le rappeler, sont des accords qui sont passés entre Léon Blum et puis le secrétaire d'État au commerce américain, qui, en échange d'une aide qui peut être apportée par les États-Unis à la reconstruction de la France, autorise un grand nombre de films américains qui n'ont pas été vus pendant la guerre, comme l'a dit Anaïs, à venir sur les écrans français, ce qui fera une production majoritairement américaine dans les écrans français des années 47, 48, 49, donc avec un moment très important où on va voir arriver beaucoup de films américains, alors que les films français eux-mêmes sont en crise, ce qui va provoquer d'ailleurs un débat à l'intérieur de la profession cinématographique française avec des gens qui voudront défendre le cinéma français contre le cinéma d'importation américaine. Oui, alors ce moment de tension se joue durant l'année 1948, surtout, et va déboucher sur la grande manifestation de près de 30 000 personnes, professionnels du cinéma sur les Champs-Élysées, et puis sur le projet de loi qu'on va appeler la loi temporaire d'aide à l'industrie cinématographique, qui est votée en juillet 1948. Ce sera le début du fonds de soutien, tout à fait. Et ce sera le début du système que nous connaissons aujourd'hui, où les entrées, il y a une taxe qui est prise sur les entrées et qui est redistribuée à la création, à la possibilité de créer des nouveaux films. Exactement, c'est le fonds de soutien automatique qu'on connaît aujourd'hui pour le cinéma, mais aussi pour l'audiovisuel, puisqu'il a été élargi dans les années 80 à l'audiovisuel, qu'on appelle COSIP, donc le fonds de soutien automatique. Et c'est pas aussi un hasard si c'est durant cette année-là, 1948, qu'émerge l'idée d'un ciné-club qui va reposer un regard nouveau sur la qualité des films et des objets en circulation plutôt, puisque parmi les films, on a les films américains, puis on a les films très récents qui sont aussi des films français qui sont passés un peu inaperçus, comme ceux de Bresson, etc. Alors l'idée justement de cet objectif 49, de ce ciné-club, c'est de privilégier les films d'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'époque. Ce n'est pas justement de faire un retour sur les films d'avant-guerre, mais c'est vraiment de mettre en avant la production actuelle, Wells pour les Américains et d'autres pour les Français, comme vous l'avez dit à propos de Robert Bresson. Voilà, c'est ça. C'est au centre du programme idéologique d'Objectif 49, il y a cette appétence des cinéphiles de porter leur regard sur le présent. Et le présent, en 1948, c'est l'année 49, c'est même le futur. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs le nom du ciné-club Objectif 49. Et, mais c'est pas non plus propre à la cinéphilie. C'est-à-dire, c'était la même année, si vous voulez, en 48, on a le domaine musical, par exemple, avec Pierre Boulez, qui fait écouter à Paris, dans le, au tout Paris littéraire et politico-littéraire, le tout Paris mondain, finalement, des musiques dodécaphoniques. On a aussi Jean Cassou, qui est le directeur du musée de, du musée d'art moderne, qui s'ouvre en 1948, qui prêche justement pour qu'on ait plus d'artistes contemporains dans les musées français. Mais il y a quand même une singularité dans le domaine du cinéma, et Objectif 49 pose cette question qui est la qualité des films à un moment qui n'est pas anodin, puisque c'est un moment où on demande des subventions à l'État français qui pour le moment n'en donne pas, ou en tout cas ne fait qu'encadrer finalement le marché du film français, et cette demande d'évaluer les films finalement, et du coup de créer des catégories de films qu'on va aider plus ou moins, qu'on va valoriser plus ou moins, c'est un réel enjeu politique à ce moment-là, Frédéric Gimelot. Ah ben évidemment, on est au tout début, à l'émergence, à l'invention de la politique du cinéma français, et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce moment clé là de l'histoire du cinéma français, puisque on est à la gestation du discours qui va forger l'action du CNC, puisque le CNC est créé en 1946, soit 2 ans auparavant, se cherche encore, on a juste une politique de soutien qui est une politique de soutien automatique. Mais là émerge effectivement, alors on l'avait déjà dans les années 30 à travers les rapports clairs de Carmois, etc. Mais là émerge en 40, fin de l'année 48, l'idée l'État ne peut plus se désintéresser de la question de la qualité. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur cet ouvrage-là en faisant une véritable, ce qu'on appelle une sociologie de l'expertise. Je renvoie aux travaux de notre laboratoire à Metz de Jean-Marc Louverato sur la mesure de l'art, en essayant d'enregistrer les registres argumentatifs des cinéphiles, des pouvoirs publics, des critiques sur cette question de la qualité. Qu'est-ce qu'un film de qualité? À l'époque, on n'a que le terme de film maudit, finalement. Alors, il faut dire qu'il y a des centaines de ciné-clubs qui parsèment le territoire français. Il y en a une bonne centaine, je crois, du côté de la région parisienne, dans cette époque de 1948-1949. Il y a des ciné-clubs qui sont proches du Parti communiste, la Fédération française des ciné-clubs. Il y a des ciné-clubs qui sont proches des milieux catholiques, la Fédération loisirs et culture catholique. Il y a des ciné-clubs qui sont protestants, par exemple. Il y a donc différentes obédiences. Mais il faut, pour ce nouveau ciné-club qui va se créer en 1948, il faut un lieu. Le lieu, ça sera un cinéma des Champs-Élysées qui s'appelle le Broadway, c'est ça? Bah, disons qu'il n'y a pas de lieu défini, géographiquement défini, contrairement à d'autres ciné-clubs. Mais c'est vrai que le Broadway a été un lieu de diffusion du film américain. Voilà. Le titre du nom du cinéma l'indique, évidemment. Et un café qui s'appelle le Madrigal. Voilà, le Madrigal, oui, qui était le lieu où les cinéphiles se retrouvaient à l'issue des projections pour débattre et puis pour imaginer aussi quel pourrait être le prochain film maudit diffusé à l'intérieur de... Enfin, on ne parlait pas encore de film maudit, mais en tout cas de film intéressant. Voilà. Ouais. Alors, vous disiez au tout début de cette émission, Frédéric Gimelot-Mesplon, à propos de ce festival du film maudit de 1949, qu'il avait fini par réunir, on va venir à sa création en 1949, il avait fini par réunir des gens d'obédience différente dans ces milieux cinéphiliques naissant d'après la Seconde Guerre mondiale. Qui sont ces gens? On n'a pas encore cité tous les noms. Pourquoi sont-ils différents? Certains sont catholiques, d'autres ne le sont pas. D'où viennent-ils et comment s'agrègent-ils autour d'un projet commun? Ben ça, c'est un peu le mystère, si on veut rester dans le vocable de la sacralité ce matin, de cette aventure qui finalement, l'Objectif 49 est un ciné-club qui a eu l'existence très courte puisque il n'a duré qu'un an et demi, mais il a eu le mérite de pouvoir justement fédérer autour de lui, autour de cette idée de films de qualité, des cinéphiles et des intellectuels appartenant à divers foyers. Alors on a André Bazin. Alors on a d'une part, effectivement, les foyers qui sont plutôt proches de peuple et culture, donc voilà. des chrétiens, créé des chrétiens dans de gauche. La lignée d'Uriage, donc de ce lieu de rencontre qui a été créé pendant la période de Vichy, qui est ensuite devenu un foyer de résistance et qui est installé du côté de Grenoble avec Geoffre Dumasdier et d'Annecy, des maisons de la culture, des sortes de maisons de la culture première manière. On pourrait citer aussi Mounier, la revue Esprit. Bazin a fait ses premières armes à Esprit. On pourrait également citer dans la revue Esprit quelqu'un qui a été un peu oublié de l'histoire de l'histoire du cinéma, c'est Jaillet, le critique Jaillet qui est mort au début de la guerre et qui a été au même titre que Lénard, d'ailleurs, Eugénie Lénard, qui était critique aussi dans la revue Esprit, quelqu'un qui a été extrêmement important dans la construction de la théorie, de la généalogie basinienne. Roger Lénard, qui écrivait dans Esprit une chronique qui était très lue, d'après ce que j'ai compris, la petite école du spectateur. On voit bien la pertinence finalement de citer ce nom à ce moment-là. Oui, donc Lénard, c'est pas innocent aussi. Lénard aussi fait partie des figures un peu tutélaires du ciné-club Objectif 49, qui a trois présidents, donc Bresson, Cocteau et Lénard. Et ouais. Alors pourquoi Cocteau, justement? Cocteau, alors il est à la fois éloigné du cinéma et suffisamment proche pour fédérer là aussi des individus. Il est poète, il est un intellectuel de première importance à cette époque-là. Et il est aussi cinéaste, il faut pas l'oublier. Alors même si lui-même se décrivait plutôt comme un poète faisant de la poésie cinématographique. Il est suffisamment important, il fait autorité pour fédérer toutes ces tendances-là. Oui, ouais. Et puis il est un peu mondain, et donc il va permettre aussi, lors des premières, en particulier au studio des Champs-Élysées le 1er décembre 1948, d'avoir une projection des Parents Terribles, et d'avoir là, disons, le banc et l'arrière-ban de la bonne société parisienne, qui ne va pas peut-être les suivre, et encore à Biarritz en 1949, mais enfin qui en moins est dans une sorte de halo autour de ce ciné-club Objectif 49. On écoute ce que disait en 1987 Jean-Charles Takela, le cinéaste, qui lui était un des premiers justement à participer à cette société d'association d'Objectif 49, et qui a été également au Festival de Biarritz. Il raconte comment est née cette idée de Festival de Biarritz. On se retrouvait au Madrigal, et puis c'est là qu'un soir, on faisait toujours le tour des films, et on se dit, pourquoi nous on ferait pas aussi un festival? Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les festivals, il y avait des festivals, il y avait Venise qui était très important, il y avait Locarno, il y avait Cannes qui commençait, mais tous ces festivals avaient un côté très très officiel, c'est-à-dire que, contrairement aujourd'hui, où on choisit quand même les films en général pour la qualité, à l'époque, c'était choisi, disons, par les gouvernements ou par les gens en place dans chaque pays qui choisissaient les films. Alors, on se retrouvait dans des festivals avec des films qui, des fois, ne méritaient pas d'être dans un festival. Alors, on s'est dit, nous, on va choisir uniquement pour la qualité. C'est comme ça que Cocteau, d'ailleurs, quand on a fait une sorte de conférence de presse pour annoncer le Festival de Biarritz, Jean Cocteau a dit, nous serons de parti pris. C'était vraiment faire le premier festival consacré aux cinéastes et à leurs œuvres. C'était plus du tout des pays qui présentaient. Alors, il faut dire que ce festival de 1949, sur lequel on va travailler avec vous, Frédéric Gimelot-Mesplon, est un festival qui bénéficie d'une fenêtre de tir assez intéressante, puisque le festival de 1948 de Cannes a été annulé. Oui, c'est ce qui a suscité l'intérêt chez les cinéphiles de créer leur propre festival. Mais là aussi, c'est ce qui distingue Objectif 49 d'un ciné-club ordinaire, puisque le ciné-club ordinaire, qu'est-ce qu'un ciné-club finalement au lendemain de la guerre? On en a parlé hier, c'est des individus qui sont passionnés par le cinéma, qui vont redéfinir un peu les critères de qualité. Excepté Objectif 49, qui lui est tourner vers le présent, voire même le futur, et qui va se battre sur un terreau là, sur lequel on ne l'attendait pas du tout, qui est celui de la distribution des films. Objectif 49 part du constat que des cinéastes sont mal distribués ou peu distribués, et qu'il faut donc avoir une influence sur la distribution des films, donc sur leurs conditions économiques de visionnage. Et donc, l'idée du fait de créer un festival, c'est aussi de relancer, de participer à l'économie du cinéma. Et c'est intéressant parce qu'on n'a pas cette coupure, cette dichotomie entre commerce et art, finalement, film d'auteur, film commercial. On a quelque chose qui est très proche de l'idée de Bazin. C'était vraiment Bazin qui était à l'origine de cette idée-là de promouvoir des films de qualité à l'intérieur du marché des films. Avec un texte qui s'appelait Défense de l'avant-garde, qu'il avait publié en décembre 48, qui a servi un peu de manifeste pour cette petite école d'Objectif 49. Ce qui frappe également, Jérôme et Frédéric Gimelot, c'est le caractère, la recherche du non-officiel. C'est-à-dire qu'on range tout un pan du cinéma, un cinéma aussi très populaire. Je pense à tous les films d'Émile Cousinet qui ont encore un très grand succès à ce moment-là. Émile Cousinet, grand cinéaste bordelais. Qui sont des comédies familiales, des comédies sentimentales, très comiques en général, et qui sont taxées de cinéma officiel. Effectivement, ça a l'air un peu inquiétant aujourd'hui lorsqu'on regarde ce paysage cinématographique populaire français au lendemain de la guerre, alors que c'est plutôt un cinéma assez dévalorisé culturellement aujourd'hui. Oui, alors justement, Objectif 49 va bousculer les hiérarchies établies. Alors, il ne va pas aller jusqu'à valoriser Cousinet. Hein. On n'est pas à la politique des auteurs quand on défend Alibaba et les 40 voleurs de Becker sur un ton très, très de mauvaise foi hein, par Truffaut. Mais enfin, on défend à cette époque-là trois types de films qui sont de formats maudits plutôt que de films maudits. D'une part, le court-métrage, puisque le court-métrage à cette époque-là était un format qui servait de bouche-trou dans les séances d'avant-programme, puisqu'on était encore à l'époque-là au double programme, puisqu'on avait suffisamment de films pour alimenter des doubles programmes, et donc le court-métrage servait de complément de programme. Ensuite, il va défendre d'autres formats qui sont un peu mésestimés, qui sont le documentaire, le film ethnographique, on va parler de Rouge tout à l'heure, qui va être primé justement en 1949, le dessin animé par exemple aussi, et puis le film expérimental, puisqu'on a Kenneth Erger qui est primé. C'est vraiment expérimental à ce moment-là, effectivement. Alors, il y a aussi une cinéphilie marginale sur laquelle s'appuie un peu, pas totalement, mais un peu la naissance d'Objectif 49 et peut-être un peu le Festival du film maudit. Alors là, il y a des noms qu'on connaît qui sont ceux de Boris Vian, Ado Kirou, des surréalistes, Robert Benayoun, qui dans la lignée de l'école surréaliste, donc défendent une cinéphilie marginale qui s'intéresse à des objets particuliers qui ne sont pas les objets qu'on appellerait aujourd'hui mainstream, c'est ça? Oui, c'est ça. Disons que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, c'est un groupe de cinéphiles un peu marginaux qui font partie effectivement de Saint-Germain-des-Prés, des surréalistes. Alors, Saint-Germain-des-Prés est très important à ce moment-là. Bien sûr, Jean Boulet. Puis, on a des gens qui gravitent un peu autour, un peu Takela, un peu, bref, qui vont se greffer plutôt sur Objectif 49 à un moment donné où, effectivement, le film américain est considéré comme un objet de contre-culture. Il faut pas oublier que Boris Vian a publié un ouvrage quand même important sur la science-fiction. Il a été un des premiers à favoriser la science-fiction en France, et donc on a une appétence pour le film à grand spectacle américain. Et la première année, tout au début du ciné-club Objectif 49, Saint-Germain-des-Prés s'intéresse à l'aventure justement pour son côté pro-hollywoodien finalement. Et Objectif 49 organise à la toute fin de 1948 un festival du film noir américain, classant ainsi des œuvres qui sont des œuvres éparses dans le répertoire cinématographique hollywoodien, et les rassemblant sous ce terme de film noir, créant presque la catégorie, on pourrait presque dire, avec vous Frédéric Jumelot. Totalement, c'est une histoire à la fois, Objectif 49 et le Festival de films maudits, c'est une histoire de la qualification cinématographique des genres, et le film noir, on sait très bien que c'est un genre très diffus, difficilement qualifiable, tout comme le film fantastique par exemple. Maintenant, on a l'impression de savoir ce que c'est, mais à l'époque on ne savait pas ce que c'était, il a fallu qu'il y ait des gens qui créent la catégorie. Justement, la catégorie, la légende nous dit qu'elle est née à la fin des années 30, par l'intermédiaire justement d'écrivains français, de scénaristes français comme Carl Orim, etc. Mais à l'époque, on pensait film de détective, film de série B, on savait pas trop, mais finalement, ça a été beaucoup de réalisateurs de films noirs ont été eux-mêmes découverts 10 ans plus tard par les cinéastes de la Nouvelle Vague. Je pense à Ulmer, etc. Alors, on va peut-être venir à la catégorie du film maudit, avec une explicitation la meilleure possible, par celui qui l'a créé, cette catégorie du film maudit, c'est-à-dire Jean Cocteau, c'était en 1949. La signification du terme maudit n'a rien à faire avec Nosferatu ou autre film de vampire. Un film maudit est pour Objectif 49 et pour moi, qui ai l'honneur d'en être le président, un film qui rencontre de graves difficultés à cause du mécanisme actuel des distributeurs. Or, les plébiscites récents prouvent que la majorité anonyme, je veux dire le public, est beaucoup plus près de la minorité pensante que la minorité non pensante et puissante ne le croit. Cette minorité non pensante possède, hélas, tous les moyens de propagande qui permettent de devenir une majorité. Cependant, je le répète, il y a chaque jour des preuves que cette minorité, qui veut faire du cinématographe un simple commerce, se trompe. Le Festival de Biarritz n'est pas à proprement parler un festival, ni une compétition, ni une affaire d'hôtel, de casino. C'est en quelque sorte le couronnement du travail admirable de Langlois et de Grémillon à la Cinémathèque française. C'est par les cinémathèques et les clubs que le cinéma cesse d'être le cinématographe et devient ce qu'il doit être, un moyen comme les autres d'exprimer ce qu'on pense. Je signale au passage que le fisc s'attaque maintenant aux ciné-clubs qui remplissent leurs salles mais fonctionnent une fois par semaine et gagnent à peine de quoi imprimer leur programme. C'est ainsi que les finances tueront aveuglément les efforts qui permettent aux jeunes et aux étudiants de prendre contact avec les œuvres cinématographiques chassées des programmes par l'absurde vertige de la production en série, production qui assimile le cinématographe à une production de voiture, par exemple, et qui empêche les films d'attendre, de vivre à la longue, comme font tous les autres arts. Puissions-nous, à Biarritz, attacher le grelot et faire comprendre qu'il est absurde, alors que les tableaux, les poèmes, les musiques, doivent et peuvent attendre d'exiger du cinématographe, à cause des sommes ridicules qu'il coûte, une réussite immédiate. Il faut au moins 5 ans pour qu'un vrai film se montre et cesse de dérouter les habitudes des spécialistes. Je le répète, le public anonyme est plus lucide, il préjuge moins, et c'est sur le public anonyme que nous devons compter. Sur lui et sur la chute d'un commerce qui voudrait abolir l'exceptionnel et qui ne peut pas se passer de lui. On a quand même de belles trouvailles hein, dans les archives de la radio de l'époque. 1949, Frédéric Gimelot-Mesplon, c'est donc Jean Cocteau expliquant ce qu'est ce festival du film maudit, quelles sont ses ambitions, quel est le moment dans lequel on veut agir justement pour défendre un cinéma particulier, un cinéma de qualité qui ne serait pas simplement un cinéma de qualité française, comme le dira un peu plus tard François Truffaut. Le terme de festival, expliquez-vous, dans votre travail universitaire, Frédéric Gimelot, n'est pas si évident que cela à ce moment-là. C'est-à-dire que l'idée même de créer un festival, à l'époque, la semaine d'art vient de se dérouler en 1947 à Avignon. Ça n'est pas encore le festival, ça sera l'année suivante. Et donc, on ne sait pas encore ce que c'est vraiment cette formule de festival. Cannes n'en est qu'à 3 expériences. Donc, on est au tout début de cette notion de festival de cinéma. Tout à fait, on est au début d'un élan que connaît la France de l'après-guerre sur le festival. Alors le festival, c'est un lieu qui généralement se tient en province, dans le sud de la France. Donc Cannes est évidemment le lieu prisé pour le cinéma. Et le choix de Biarritz va aussi s'imposer parce que c'est une ville du sud qui possède suffisamment d'hôtels. Et puis il faut pas oublier, durant les années 20, dans les années folles à Biarritz, un mouvement intellectuel très important. On a Stravinsky qui est passé là, on a des Russes, on a eu toute l'avant-garde française est un peu passée par Biarritz. C'était aussi une ville qui se prêtait à la création d'un festival. Je voudrais juste revenir sur l'extrait qu'on vient d'écouter de Jean Cocteau. Jean Cocteau dit la chose suivante qui est très importante à l'époque et qui va vraiment modifier le regard qu'on a sur le cinéma. Que dit Cocteau? Il dit finalement, le spectateur peut juger. Il est en train de nous dire ce qu'on en a redécouvert plus de 60 ans plus tard, c'est-à-dire que le spectateur peut se conduire comme un expert lorsqu'il juge le film. Et là, je renvoie là encore aux travaux que nous menons à Metz avec Jean-Marc Le Verrato et toute une équipe sur la question de l'expertise culturelle. Cocteau nous dit finalement, la qualité cinématographique, elle n'est pas guidée, elle n'est pas créée par l'institution. C'est le spectateur lui-même qui peut la générer à condition qu'on lui fasse confiance. Mais en disant ça, il va quand même à l'encontre de beaucoup de propos de l'époque, du travail du Parti communiste qui pense qu'il faut éduquer, mais également de l'Église catholique qui pense qu'il faut éduquer. Et je pourrais citer par exemple les termes de Maurice Thorez que vous citez dans votre travail. C'est une entreprise de désagrégation de la nation française, une entreprise de démoralisation de nos jeunes gens, de nos jeunes filles avec des films abétissants où l'hétérotisme le dispute à la bonne ou le gangster est roi. Ces films ne visent pas à préparer une génération de Français conscients de leur devoir envers la France, envers la République, mais un nouveau troupeau d'esclaves écrasés par le talon de fer. Donc on voit bien qu'effectivement il y a une volonté d'éducation, voire d'éducation politique par le cinéma, qui est parallèle à la loi de 1949 sur la bande dessinée, qui se tient exactement en même temps, où le Parti communiste va s'allier avec l'Église catholique pour interdire les productions américaines. Évidemment, il y a des tensions idéologiques qui font jour à cette époque-là, à l'intérieur de la cinéphilie. Le meilleur exemple, c'est de lire l'ouvrage de Fabrice Montebello sur le cinéma en France, où il y a la question de la cinéphilie. Je renvoie aussi aux travaux d'Antoine de Beck sur la question des matrices idéologiques des ciné-clubs. Mais justement, là, tout l'intérêt de ce ciné-club, c'est que finalement, ces tensions vont s'apaiser sous la tutelle en fait de Cocteau, mais elles vont ressurgir en 1950, à l'époque où, lors de la deuxième édition du festival, la programmation est beaucoup plus politisée. Anaïs Kien. Effectivement, dans les manifestes de 1949, on voit qu'on tente d'extraire finalement le cinéma pour le réduire quelque part à une esthétique, à un langage esthétique pur. On tente de l'extraire du champ politique. Pour l'année 1949 ou 1950 Pour l'année 1949. En 49, oui. Ce qui est très différent l'année suivante. Mais de manière un peu forcée. On sent bien que la politique, on tente de fermer la porte, mais elle met visiblement un pied contre le chambranle pour l'empêcher. Bah, disons que se passent des choses un peu qui ne laissent pas insensibles les cinéastes, enfin les professionnels du cinéma français. qui se passe en même moment à Hollywood. Hein. Il y a quand même la commission des activités anti-américanisme, anti-américaine, connue sous le nom McCarthy, qui s'intéresse évidemment au sort des professionnels du cinéma américain. Et l'ongle de choc va arriver en France en 50. Quoi. C'est-à-dire que c'est là que le clivage idéologique va être le plus fort. Mais c'est vrai qu'en 49... Donc là, on a un moment un peu apaisé. Tout à fait, en 49. On peut se permettre d'être ensemble, même si on n'a pas les mêmes opinions politiques, autour de cette idée de film maudit. Justement, c'est ça ce qui va être très très intéressant, c'est que le consensus se fait sur le film maudit, tandis qu'en 1950, là, on va reverser dans ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire on va parler d'auteur maudit, c'est-à-dire de cinéaste maudit, donc ça va être le précurseur un peu de la politique des auteurs. On va s'intéresser beaucoup plus à l'auteur maudit, alors que là, il est vraiment question des objets et des films. Et puis dans cette définition du film maudit, finalement, on met énormément de choses. C'est un mot valise où on met des petits films, de grands films, des auteurs connus, des auteurs tout à fait inconnus, du documentaire, de la fiction. Il y a quelque chose de très pratique, finalement, pour rassembler tout cet aréopage de cinéphiles et de grands intellectuels français qui vont donner leur image à ce festival. Frédéric Gimelot-Mesplan. C'est un mot à géométrie variable, tout à fait, mais justement, c'est ce qui est d'autant plus intéressant, travailler sur ce type d'objet lorsqu'on fait l'histoire du cinéma. Moi, je revois toujours à Foucault. Quand Foucault écrit l'histoire de l'archéologie du savoir, il ne résume pas le savoir aux actes de langage, aux énoncés, film maudit, mais beaucoup plus à l'histoire des concepts qui précèdent ou qui vont émerger, qui conduisent à l'usage des objets de langage. Et c'est véritablement ça qui est intéressant. C'est comment, à un moment donné, les cinéphiles français vont interagir avec les objets, les films, pour construire une définition de la qualité qui échappe à toute forme de formatage intellectuel. Et puis surtout, il y a quelque chose d'un petit peu indie, c'est que là, les cinéphiles tentent d'attraper le public, c'est-à-dire de le rencontrer, de partager des lieux, d'avoir une communauté du spectateur qui est finalement assez rare. En général, lorsqu'on voit les lieux de cinéphilie, notamment les ciné-clubs, la cinémathèque, on a plutôt tendance à l'identifier comme des lieux d'exclusion sociale, finalement. Ou en tout cas d'une prescription culturelle, pour reprendre le mot de Bourdieu, c'est-à-dire d'une culture descendante, c'est-à-dire que bon, là la qualité des objets va se définir collectivement à la fois dans les séances, et l'importance de la séance est primordiale à l'intérieur de cette aventure qui a été le Ciné-Club Objectif 49, puisque André Bazin était le principal animateur des séances, et les rares témoins qui existent encore du festival 1949, il en existe encore, raconte comment André Bazin venait avec comme un pèlerin finalement à 4h l'après-midi à Biarritz dans le palais des festivals titiller le spectateur, lui demander de réagir au film qui avait été diffusé la veille. Il y avait véritablement une ébullition et puis une construction savante collective qui était menée à cette époque-là. Alors il faut dire quand même que ce festival est assez habilement pensé, puisque c'est un festival qui va se refuser aux critiques locaux, qui va autoriser certains critiques à venir, France Roche par exemple de François, qui sera une des vedettes de ce festival, il va y avoir des gens qui commencent leur carrière de critique à ce moment-là. On va donc avoir à la fois des séances qui vont être des séances plutôt de mondaine en fin de journée, avec des grands films, avec Robe de soirée par exemple. Vous avez retrouvé pour votre travail ce texte du Journal de Biarritz. La première journée du festival s'est terminée aux Ambassadeurs avec le premier gala de la saison. On y retrouvait Jean Cocteau, président d'une table où voisinaient les représentants de la jeune critique et les cinéastes de l'Objectif 49. Gabriel Dorzia, vedette de l'époque, en robe rouge, dînait en compagnie de Graham Greene. On reconnaissait Raymond Queneau et René Clément, la générale Xuan, Lise de Harme, Roger Keyes et toutes les jolies femmes de Biarritz, le samba et les swings puissamment rythmés par l'orchestre d'Arthur Briggs, les tangos scandés par les bandoneons de Marcel Feijo créaient une ambiance familière, agrémentée pourtant par la projection d'ombres chinoises sur un écran minuscule. Donc on voit bien qu'il y a cette dimension mondaine d'un côté, mais aussi des séances du matin pendant lesquelles on voit des films que personne ne peut voir, c'est cela ? Oui, c'est ça, ce qui était assez étonnant, c'est-à-dire on a ce côté très dandy, très mondain finalement du festival, et qui à la fois quelque chose que les organisateurs refusaient. Alors il y avait des tensions à l'intérieur du comité d'organisation, je pense à Doniol Valcroz qui faisait partie des plus puristes, qui refusait justement, qui avait créé une blacklist finalement des journalistes. On ne voulait pas l'écran français parce qu'il était trop corporatiste, on ne voulait pas les grands quotidiens qui avaient une rubrique cinéma, parce que pour eux c'était pas de la critique de cinéma, les quotidiens c'était du journalisme où on faisait de l'information cinématographique mais pas de la véritable critique cultivée, savante. Mais on avait quand même France France Roche de François. Oui, alors du coup, paradoxalement, on avait France Roche, on avait un Suisse un peu oublié, mais Freddy Buach lui rend hommage, c'est voilà qui était aussi dans le jury, alors etc. Donc on avait des paradoxes. Qu'on assumait tout de même. Et puis alors on avait donc par exemple Jean Rouch qui présente ses films donc d'ethnologue et qui vont finir par remporter pour l'un d'entre eux un prix. Ils ont voulu sortir des cinémathèques et des armoires de quelques amateurs comme moi des films qui avaient très peu de chances de passer devant un public normal. Les films que j'avais tournés avaient été considérés de cet ordre pour deux raisons. D'abord, parce que je ne suis pas cinéaste. Ensuite, parce que ce sont des films... les amateurs. Parce que ce sont des films qui ont été tournés en couleur et en 16 mm, c'est-à-dire dont la reproduction en 35 mm est extrêmement difficile. Et ensuite, parce que le titre, ces deux titres, Danse de possession et Circoncision, sont des titres qui attirent sur ces films la malédiction. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Biarritz, puisque avant mon arrivée là-bas, l'archevêque de Bayonne avait jeté l'anathème contre ces films et voulait interdire leur projection. Il a fallu que je présente ces films devant le sous-préfet de Biarritz et devant le commissaire de police. Ce que j'allais dire, c'est que le commissaire de police aussi, ce qui dans le siècle est plus dangereux que la gueule. Oui, il y avait une parfaite alliance entre l'Église et l'État. Et devant ces personnages, j'ai projeté mon film, qui a été jugé d'ailleurs fort anodin, car la circoncision ou la danse de possession est un spectacle qui n'a absolument rien de tragique. Ils ont même trouvé que ce film était un peu trop gentil, le film sur la circoncision en particulier. Qui est-ce qui a trouvé ça, le commissaire de police? Non, le sous-préfet. Le commissaire de police n'a pas aimé certains mots que j'employais. Mais le film a été projeté tel quel tout de même au festival. Le film a été projeté tel quel au festival, les deux films ont été projetés sans aucune coupure. J'ai simplement modéré un peu mon langage. Vous en faisiez le commentaire. Je faisais le commentaire en même temps. Je comprends. Alors, j'ai dû employer des mots un peu moins crus pour désigner certaines choses. Et c'est passé, d'ailleurs, c'est très bien passé. Et c'est le film sur la danse de possession qui est certes le plus attrayant, qui a obtenu le grand prix du film non commercial de ce festival. 17 août 1949, Jean Rouch, Anaïs Quin. Oui, on entend bien ici la frilosité des autorités devant ce festival naissant. Et d'ailleurs, on voit dans les archives que vous avez compulsées, Frédéric Gimello, on voit que le conseil municipal a eu très peur du sous-titre qu'on avait donné au festival dans un premier temps, qui était Festival indépendant, qui aujourd'hui ferait courir les foules, et qui à l'époque fait très peur, car on a peur du scandale finalement. Oui, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. On est d'abord dans les Basses-Pyrénées, département qui s'appelle aujourd'hui les Pyrénées-Atlantiques, terre centriste, vous connaissez tous terre de François Bayrou aujourd'hui, donc terre centriste, terre aussi où le... C'est d'ailleurs ce maire centriste, Guy Petit, qui va financer en grande part ce festival. Tout à fait, donc on a la culture du consensus, si je veux, pour faire un mot qui renvoie un peu à cette période préélectorale. Et effectivement, le choix de Biarritz, ville mondaine, pour accueillir un festival alternatif était vraiment quelque chose d'assez risqué pour la ville. Deuxième chose, c'est que la ville est endettée, puisque vous le savez sans doute, on connaît les auditeurs de France Culture, férus d'histoire régionale, savent que Biarritz a été bombardée, fait partie des villes comme Royan, qui a eu des dommages de guerre très importants, et la ville est endettée et attend que le ministère de la Reconstruction lui verse les subventions pour dommages de guerre qui vont arriver très tard, au début des années 50. Donc, et le coût de l'organisation d'une manifestation de cette envergure était très important. Et donc là, il a fallu effectivement tous les réseaux de Jean Cocteau, je pense au marquis d'Arcang, au comité des fêtes de la ville de Biarritz, et puis des mécènes, le marquis de la Cuevas, toutes les grandes têtes, toutes les grandes familles nobles de la région, mais aussi des mécènes parisiens, je pense à Léonie Kegel, qui a été le financeur des Cahiers du cinéma, pour arriver à boucler le budget, quoi. Alors, vas-y. Allez-y. On vient d'entendre Jean Rouch, qui est au tout début de sa carrière. On parle de ses deux tout premiers films. Est-ce que, en étant sélectionné et primé lors de ce film du Festival Maudit, il ne parvient pas à faire un casse finalement, en étant reconnu d'une comme un cinéaste, et ensuite de faire reconnaître cette spécificité du film ethnologique? Ben justement, c'est là où on passe du film maudit à l'auteur maudit. On découvre soudain un format qui est le film ethnographique, le film scientifique, puisque Jean Rouge rentre au CNRS en 1953 comme attaché de recherche, puis chargé de recherche, puis la carrière qu'on lui connaît. Et il va être, finalement, c'est face à ce format un peu improbable que le film ethnographique, que va s'intéresser, auquel va s'intéresser quelqu'un qui est parmi les organisateurs et parmi le public, qui est Pierre Brandberger. Pierre Brandberger assiste à la première édition. Il a sa villa secondaire à côté, à Saint-Jean-de-Luz. À Saint-Jean-de-Luz. Et donc, Pierre Brandberger va produire, à partir de ce moment-là, tous les films de Jean Rouch, excepté Chronique d'un été, qui va être produit par Domain. Mais voilà, Jean Rouch a trouvé son producteur, quoi, là, Biarritz. Alors, il y a différentes manifestations. On l'a dit, des séances du matin, des séances de l'après-midi, des séances du soir. Il y a aussi une nuit maudite au bord d'un lac. Je crois que c'est le lac Mourisco, le 3 août 1949. Dernière soirée, je crois, de ce festival de Biarritz, du film maudit, organisé par Alexandre Astruc. Donc on projette au bord d'un lac, il y fait froid, les gens sont pas très contents. Et puis il y a quand même des tensions entre les festivaliers, parce qu'il y a ceux qui disent on fait la part trop belle aux mondanités. Truffaut, par exemple, qui vient d'arriver, et on préférait que ça soit vraiment un festival de cinéphiles, et les mondanités, on les laisserait tomber, justement, sur ce point, Frédéric. Voilà, Mello. Là, on est vers la fin de la première semaine de festival, donc on a des tensions qui émergent. Effectivement, les jeunes, qui vont faire plus tard parler d'eux, les jeunes turcs des Cahiers du cinéma, bon, il y a Rivette, il y a Truffaut, il y a, il y a Romer, mais qui est déjà un peu plus âgé, qui est dans le comité d'organisation, donc il est moins revendicatif, mais en tout cas, surtout Truffaut, etc., proteste contre, justement, les objectifs affichés d'Objectif 49, c'est-à-dire de refuser la mondanité, de revenir à l'essence même du cinéma, et puis finalement cette nuit maudite, qui est une sorte d'aventure un peu scabreuse au bord d'un lac la nuit, avec feu d'artifice, soirée déguisée, et puis un cocktail très très onéreux, avec une liste d'invitations, France Roche en maître de cérémonie, etc. Donc ça cadrait pas bien avec l'objectif finalement affiché du festival, et puis la critique communiste au lendemain de ce festival-là va justement pointer ces dérives un peu mondaines, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut déceler là une certaine ambivalence de Cocteau lors de ce festival du film maudit en 1949, Frédéric Gimelot, puisque à la fois il a un discours sur le fait que finalement le cinéma manque de cérémonie, il demande un peu plus de sérieux, un ascétisme dans les salles de cinéma où on est encore à l'époque où les vendeuses passent dans les rangs pendant le film et vendent des friandises. Les gens entrent et sortent sans se soucier réellement de l'horaire de début ou de fin du film. Et par ailleurs, on voit dans les photos que vous avez retrouvées, Cocteau qui se met en scène, qui justement met en scène cette mondanité systématiquement pieds nus avec toutes les femmes connues de l'époque et qui ont accepté d'accompagner l'image de ce premier festival. Donc on a à la fois une demande d'ascétisme et une mise en scène, une mondanité exacerbée dans les images qu'on garde aujourd'hui de ce festival. Oui, c'est le paradoxe. Là aussi, il y a un des nombreux paradoxes de cette aventure-là. C'est-à-dire que c'est bon, à la fois, on a un discours qui est tenu par les éminences grises du festival. Et là, je crois qu'il faut citer, il faut rendre hommage à Jacques de Valcroze, qui a été vraiment la cheville ouvrière de ce festival, qui a été le bouillonnant secrétaire général de l'Objectif 49, qui a été de tous les combats qu'a mené le cinéma français durant les 40 années qui ont suivi. Il a été à la SRF, il a été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Il était vraiment, lui, à la tête finalement du programme idéologique du festival, et lui effectivement il n'était pas de ces mondanités là. On peut citer également Kegel, Jean-Georges Auriol aussi, qui était à la tête de la revue du cinéma, qui a été aussi l'un des principaux qui était édité par Gallimard à l'époque, voilà, alors, où a lieu d'ailleurs chez Gallimard c'était les réunions préparatoires à ce festival du film maudit. Tout à fait, Gallimard fait partie aussi des mécènes, puisque Claude, enfin, en fait c'est pour la petite histoire, Mauriac avait un bureau au premier étage de Gallimard, qui avait été légué, qui avait été prêté en fait par Gallimard, et donc les réunions se faisaient là sur la terrasse, parce que le bureau s'ouvrait sur une terrasse, et c'est là que le comité organisait, débattait, choisissait les films. Alors justement, vous évoquez Claude Mauriac, et bien il était avec Jean Cocteau pour raconter ce qu'avait été ce festival de Biarritz à ses yeux. Le public est en définitive le dernier juge et le seul bon juge. Seulement quelquefois, il n'est pas averti. Soit par exemple parce qu'un film passe trop rapidement sur les écrans, les critiques eux-mêmes n'ont pas le temps de s'en apercevoir. Ça a été le cas pour un merveilleux film de René Clair que nous avons vu ici, qui s'appelle en français La Belle en Forteleuse, qui est restée, je crois, 15 jours à Paris, n'est-ce pas? Alors personne ne l'a vu. Alors maintenant, grâce à la publicité que nous allons tous faire en disant qu'il est bon, peut-être qu'il va être repris. Et qu'il est public, le film public par excellence. Film public par excellence. Ou bien au contraire, ce sont des films étrangers qui sont tout à fait faits pour plaire en France, mais que les distributeurs n'ont pas cru devoir nous montrer. Nous avons réussi à en obtenir deux, qui est d'abord le film de Marcel Paliero, qui s'appelle La Nuit porte conseil, qui est un merveilleux film d'une très grande poésie et vraiment charmant. Et puis un autre film de Robert Montgomery, qui s'appelle en français, je crois, Tourne les chevaux de bois. Je suis sûr que ces films remporteront un très grand succès à Paris si on les montre, mais il fallait encore qu'on sache qu'ils existent. Ce qui avait de charmant dans ce festival, c'est que nous avons cherché à imposer n'importe quoi. Nous n'avons pas cherché à imposer quelque chose. Nous avons donné des films extrêmement où la malédiction était très difficile à reconnaître, puisque beaucoup de ces films auraient dû réussir. Alors nous avons même révisé nos jugements. J'ai revu ici des films que j'avais très mal vus moi-même, et j'ai constaté que on faisait toujours au cinématographe le crime de distraction. On n'est pas assez attentif. Il n'y a pas assez de cérémonial, parce que les gens entrent et sortent dans la salle, les ouvreuses bougent. On vend des esquimaux. Enfin, il y a dans le cinématographe quelque chose d'anti-cérémonieux qui est dommage, comprenez-vous? Alors, c'était donc Claude Mauriac et Jean Cocteau à la fin de ce festival du film maudit de 1949. Ce qu'il faut dire tout de même, vous qui avez travaillé sur ce sujet, Frédéric Gimelon-Mesplon, c'est que la mythologie s'est installée, on a inventé des présences de gens qui n'étaient pas présents, on a imaginé que Godard était au festival de Biarritz, il n'y était pas, que Chabrol aurait pu y être aussi. En revanche, on sait que Truffaut y était, parce qu'il est intervenu de façon un peu tonitruante. On a inventé la légende du dortoir du lycée de Biarritz, qui n'est pas qu'une légende, effectivement. C'était là où on a logé les jeunes Turcs, ce qui allait devenir les jeunes Turcs des cahiers du cinéma, et qui se sont découverts et rencontrés à ce moment-là, les anciens, les plus anciens, les Romer et les autres, et puis François Truffaut. Mais néanmoins, on a créé une sorte de halo que l'historien doit pouvoir, un brouillard que l'historien doit pouvoir dissiper, justement, Frédéric Gimelon. Exactement. Il ne s'agit pas, lors de cette recherche, de perpétuer la légende, mais plutôt de la décrypter, l'analyser de la façon dont s'est construit justement une légende autour de ce moment de cinéphilie très particulier qu'a été ce festival. Et c'est vrai qu'on a pu constater, on peut constater aujourd'hui, dans les histoires du cinéma, toute une généalogie descendante, une histoire trop bien écrite, trop lisse finalement pour être contredite. Et finalement, ça parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les acteurs en question ont remis un fil droit entre Biarritz et puis Objectif 49 et ce qu'ils ont fait ensuite. Ce que nous dit cette légende finalement, c'est la place hégémonique de l'histoire des cahiers du cinéma et de la nouvelle vague bien qui sûr. Finalement réécrivent toutes les années cinéphiliques qui les ont précédées dans leur généalogie, et on a l'impression que le Festival du film maudit est un des premiers événements fondateurs de la nouvelle vague, alors que les courants sont bien plus divers que ça, et qu'à ce moment-là, pour le coup, si l'on doit compter les points, la nouvelle vague n'a pas du tout gagné, les cahiers du cinéma ne sont pas encore créés. Tout à fait. Là, c'est le chaînon manquant, finalement. On veut absolument faire du Festival du film maudit le chaînon manquant dans une histoire intellectuelle du cinéma dont la concrétisation la plus parfaite serait justement la politique des auteurs. Or, justement, on a écouté Cocteau, on vient d'écouter Mauriac. Que disent Mauriac et Cocteau? Ils disent, ben justement, on a défendu tout ce qui pouvait avoir... Tout ce qui pouvait circuler dans le marché en identifiant par nous-mêmes ou en laissant le spectateur identifier par lui-même ses propres films de qualité. Mais ça, c'est vrai, c'est vraiment fondamental. Vous disiez tout à l'heure, la légende du dortoir, c'est vrai que ça a été repris parce qu'il y a aussi une mythologie, une légende dorée des cinéphiles, des cahiers du cinéma. Une jeunesse dorée de Truffaut qui sort du camp où il était, etc., presque de la prison, qui se retrouve un peu libéré à Biarritz. Il y a cette image aussi dont on a souvent fait le avec laquelle on a souvent fait le parallèle, la dernière image du film Les 400 coups, lorsque le jeune Jean-Pierre Léo court sur la plage. Tout le monde a voulu y voir aussi un parallèle avec Biarritz, avec Truffaut, etc. Donc effectivement, on est sur un terrain extrêmement glissant, dans lequel il faut avoir la méthodologie rigoureuse de l'historiographie et éviter aussi de regarder cette époque-là avec tout ce qu'on a pu savoir, découvrir par la suite sur la poétique des auteurs. Oui, Anaïs. Par contre, l'édition suivante du festival en 1950 marche moins bien et finalement il n'y aura que deux éditions à ce festival. Et ce festival s'arrête et laisse place justement à la grande période des revues, puisque les années 50, le tout début des années 50, c'est la création des Cahiers du cinéma, de Positif, etc. Bazin d'ailleurs, qui est le fondateur du Cahier du cinéma, se consacre entièrement à l'écriture parce qu'il est malade, il n'est pas à la deuxième édition du festival. Et on entre dans cette nouvelle ère, finalement, de l'écrit, où finalement le festival devient quelque chose d'un petit peu vulgaire et où finalement on préfère, lorsqu'on est un vrai cinéphile pur et dur, se consacrer à l'écriture et à quelques séances dans les ciné-clubs, dans les salles de la cinémathèque. Mais du coup, le mélange se fait, on a une sorte d'élitisation, finalement, de la cinéphilie à ce moment-là. Frédéric Giméo, mais... Oui, le rituel cinématographique, le rituel de la rencontre et du débat s'efface au détriment finalement d'une cinéphilie cultivée, érudite, qui est un peu qui perpétue la tradition de la revue du cinéma d'Auriol. Il ne faut pas oublier qu'Auriol décède au début de l'année 1950 lors d'un incident de voiture. Bazin, donc il ne sera pas de l'édition 1950. Bazin est malade en 1950, il n'en fait pas partie. Cocteau, lors du festival 50, est en tournée pour présenter Orphée. L'Anglois s'est retiré également du festival. Alors l'Anglois non seulement s'est retiré, mais en plus a créé un festival concurrent à Antibes, qui est le Festival du film d'Antibes. Pour lui, l'Anglois a toujours eu une réaction un peu ambivalente par rapport au festival du film maudit, parce que l'Objectif 49 se focalisait sur les films actuels, finalement, de l'époque, les films récents. Alors que la Cinémathèque était plutôt dans le patrimoine. Dans le patrimoine, dans le film muet, etc. Et donc, la première année, il y a eu consensus, puisque l'Anglois était au comité d'organisation, mais la deuxième année, il crée un festival de films. Pour lui, c'était l'avant-garde, et l'avant-garde, pour beaucoup, c'était l'arrière-garde. Je pense au jeu de mots d'Astruc. Lorsqu'Astruc crée... écrit son article sur la caméra stylo, le vrai titre de l'article d'Astruc, c'est pas la caméra stylo, ça s'appelle Naissance de nouvelle avant-garde. Et la nouvelle avant-garde pour Astruc, c'est justement le cinéma contemporain. Donc l'année 50 marque la rupture, finalement, la fin de cet état de grâce, finalement, qui a existé à ce moment-là. La parenthèse enchantée. Oui, voilà, la parenthèse enchantée. La fin des financements aussi. La fin des financements, et puis aussi la dispute, puisqu'il y a eu un clash assez important entre Rivette et Daniel Valcroz à l'issue de l'année 1950, qui a beaucoup affecté d'ailleurs Daniel Valcroz et qui a sans doute aussi expliqué la fin d'Objectif 49, qui s'est éteint de sa belle mort en 1950. Et pendant ce festival de Biarritz en 1949, eh bien, on a passé évidemment la talente de Jean Vigo. La nuit s'est faite, la berge s'est tombée, se perd. Un bal musette, une auberge ouvre leurs yeux verts. Le chaland glisse, s'entraîne sur l'eau de sa terre. Où s'en va-t-il, vers quel rêve, vers quel incertain du destin? Ne pensons à rien, le courant fait de nous toujours des errants sur mon chaland. Lise Gauthy, donc, interprète de la chanson du film La Talente de 1934, projetée lors du Festival du film maudit de 1949 à Biarritz. Merci à vous, Frédéric Giméo Mesplon, de votre assiduité, de votre travail sur ce festival en particulier, puis de la capacité que vous avez eue à l'analyser en tentant de lever justement les voiles sur les mythologies qui l'ont encombré peut-être ensuite. Votre travail, eh bien, vous pouvez l'éditer. D'ailleurs, si un éditeur est intéressé, sachez que Frédéric Giméo Mesplon a donc écrit ce très bon travail d'histoire et d'historiographie sur ce festival du film maudit de Biarritz, et qu'il y a, c'est formidable, je les ai sous les yeux, des dizaines de photographies de Cocteau marchant sur la plage, de magnifiques starlettes que je ne reconnais pas d'ailleurs, et puis d'une superbe critique de l'époque qui était donc France Roche. Je veux la voir en pourpris, comme au jour levant, les auvents. Ne pensons à rien, le courant fait de nous toujours des errants. C'était le Festival du film maudit de Biarritz de 1949, troisième d'une série de quatre émissions consacrées à la cinéphilie avec Frédéric Gimelot-Mesplon dans La Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, diffusée la première fois le 18 janvier 2012 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.